Dialogue. À la pêche. Écoutez. Ça mord. Il ne faut pas se plaindre. J'ai déjà pris quelques gardons, regardez. Oui, ça vous fera une belle friture pour ce soir. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis 2 heures environ. Je m'installe près de vous. Ça ne vous ennuie pas? Pas du tout, la rivière est à tout le monde. J'espère que j'en prendrai autant que vous. De toute manière, on prendra l'air. Répétez. Ça mord. Il ne faut pas se plaindre. J'ai déjà pris quelques gardons, regardez. Oui, ça vous fera une belle friture pour ce soir. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis 2 heures environ. Je m'installe près de vous, ça ne vous ennuie pas? Pas du tout, la rivière est à tout le monde. J'espère que j'en prendrai autant que vous. De toute manière, on prendra l'air.